question, mais... Bonjour, bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui, c'est un podcast magnéto, c'est-à-dire que nous allons enregistrer une partie de jeu de rôle. Un jeu de rôle de ma création, hein, plus exactement, on va jouer à Milvaux, donc Milvaux qui est un univers de ma création, avec le jeu de rôle Sombre, qui par contre est une création de Johan Scipion. Avec moi, j'ai Stéphane. Stéphane, bonjour. Thomas. Et puis donc Philippe. Bonjour. Éventuellement, vous voulez peut-être vous présenter, puisque il y en a qui commencent à être récurrents sur ces podcasts, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être présents sur divers forums ou réseaux. Je vais commencer. Donc je m'appelle Stéphane. J'ai d'autres pseudos, Magister Fantôme sur Casusno et puis un en particulier Alio Safar sur la communauté de JDR virtuel. J'ai une quarantaine d'années. Je masterise depuis les boîtes rouges de Donjons et Dragons, de L'Œil Noir et de Paranoia. Voilà. Philippe. Voilà, mais moi sur les forums où je suis beaucoup plus spectateur qu'acteur, je suis Sildenfein, autant sur Casusno que sur les ateliers imaginaires. Je suis joueur et maître de jeu depuis 1984. J'ai aussi commencé par la boîte rouge, l'œil noir, et puis j'ai suivi beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Ok, merci à vous. Donc, je vais vous présenter un petit peu le jeu, hein. Donc ça se passe dans l'univers de Milvaux, donc un univers de ma création. Milvaux, c'est l'Europe et tout le pourtour méditerranéen après la chute de la civilisation, en fait, hein, c'est post-apocalyptique. Il y a eu une grande catastrophe dont on ne sait pas grand-chose, hein, sinon qu'elle serait visiblement qu'elle était provoquée par un phénomène de contamination biologique, qui fait que l'Europe et tout le pourtour méditerranéen est envahi par la forêt. La civilisation a chuté, hein. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de civilisation, mais clairement, dans la plupart des endroits, les humains sont retombés au Moyen-Âge, dans le meilleur des cas. Et donc, il y a quasiment plus de technologies disponibles. Et également, le problème qu'il y a, c'est que cette Europe forestière de Milvaux, eh bien, elle est hantée par des créatures surnaturelles qu'on appelle les Orlas, qui sont issues justement de ce phénomène de contamination biologique qu'on appelle la corruption. Et donc, qui cause, comme vous pouvez l'imaginer, un certain nombre de problèmes. Donc l'univers de Milvaux, il peut être joué avec différents jeux de rôle. Hein. Il y a Inflorenza qui permet de faire de l'horreur épique. On a également Arbre, c'est un jeu en développement qui permet de jouer des clochards magnifiques dans les forêts hantées de Milvaux. Mais aujourd'hui, on va utiliser le premier système de jeu de rôle pour lequel j'ai publié dans Milvaux. Il s'agit de Sombre. Sombre, c'est un jeu de rôle de Johan Scipion, qui permet de jouer de l'horreur survivaliste, hein. Donc clairement, on va jouer des victimes qui vont devoir affronter une adversité plutôt déséquilibrée, hein, en votre défaveur, quoi. Donc l'objectif, en fait, c'est de réussir à survivre eh bien jusqu'à la fin du scénario. Sachant que Sombre connaît une variante qui s'appelle Sombre Zéro, c'est à cette variante-là qu'on va jouer aujourd'hui. Sombre Zéro, c'est une variante de Sombre très minimaliste. Hein. Vous allez voir que les règles sont extrêmement simples. Puisque, pour ainsi dire, la seule chose qui va être gérée par les règles, c'est le combat, et encore le combat en situation de stress extrême. C'est-à-dire quand dans des situations très dangereuses pour vos personnages, c'est seulement en ce moment-là qu'on va utiliser les dés pour gérer les combats. C'est-à-dire que un personnage qui est en situation de combat mais qui n'est pas stressé, qui est en pleine situation en pleine possession de ses moyens, face à un adversaire plus faible que lui, il n'y aura même pas de jet de dé à faire, quoi. Par exemple, s'il s'agit de tuer quelqu'un dans son sommeil, je ne vous demanderai pas de jet de dé. Vous allez voir que le système, pour résumer. Grosso modo, vous avez trois états qui s'appelle Indène, blessé, mutilé et mort. Pour faire encore plus simple, considérez que vos personnages ont 3 points de vie, hein, tout simplement. Et puis pour tout ce qui est jet de dés, eh bien il faut rajouter un D6 et faire 1, 2 ou 3. Donc par exemple pour attaquer quelqu'un, il faut faire 1, 2 ou 3. On inflige, si l'attaque porte, on fait perdre un point de vie à l'adversaire. D'accord. Donc ça veut dire que pour tuer quelqu'un, il faut le frapper 3 fois. Alors il y a une version de Sombre Zéro qui fait plus mal, où en fait le nombre de points de vie perdu, c'est le nombre de points de vie sur le dé. Mais je l'utilise pas là, je joue en Redux, où pour que le jeu soit un peu plus lent, il faut effectivement frapper 3 fois quelqu'un pour le tuer. C'est valable aussi de tous les antagonistes que vous allez rencontrer, aucun monstre n'a plus de 3 points de vie. Par contre il y a certains monstres ou adversaires qui ont de une meilleure chance au dé que vous, quoi. Vous pouvez rencontrer un adversaire qui peut aussi vous toucher s'il fait 4 ou s'il fait 5. Mmh. C'est en ça que l'adversité peut être démesurée. En plus, il y a certains adversaires aussi qui vont avoir des pouvoirs spéciaux. Alors, un petit mot maintenant sur le contexte de jeu, hein. On va jouer un scénario qui s'appelle les Hashishin du Shaitan, qui devrait paraître, on va dire, prochainement dans un petit recueil de scénarios que je vais publier, un recueil qui s'appelle Putride, où il y aura 6 scénarios sous Sombre Zéro, qui vont explorer divers endroits de exotiques de Milvo. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, on va jouer dans les Royaumes Mèdes. Les Royaumes Mèdes, en fait, c'est l'équivalent du Maghreb dans Milvo. Et donc, c'est un Maghreb qui a été en partie envahi par la forêt, mais pas totalement. Hein. Puisque, en fait, tout ce qui est Sahara, eh bien, est resté désertique. En fait, la contamination biologique n'a pas eu de prise dans cet endroit. Et au sud du Sahara, il y a ce qu'on appelle le mur de la honte. En fait, c'est un mur qui a été érigé par les Américains. Il est doté d'une bannière, d'une barrière électromagnétique. Et en fait, c'est fait pour que la contamination biologique ne s'échappe pas de Milvo, quoi. N'aille pas contaminer bah, notamment toute l'Afrique. Donc c'est censé freiner la contamination biologique et puis justement c'est censé empêcher toute allée et venue d'animaux et d'êtres humains. Le scénario va commencer à la Casa Negra. La Casa Negra, en fait, ou Dar al-Aswad en arabe, c'est en fait ce qui est devenu Casablanca. Donc c'est un port, c'est un port au bord de l'océan Atlantique. Donc à la place, c'était avant c'était l'Algérie. Hein. Et la Casa Negra, donc c'est un port qui est rempli de jungle. En fait, le phénomène de contamination biologique est assez important. La corruption est importante. Et c'est vraiment un endroit étrange. Il est à la fois prospère parce que, quelque part, comme la nature est assez foisonnante, eh bien, il y a toute une agriculture qui s'est développée en dehors des frontières de la Casa Negra. Et puis également, le port est très florissant, en fait. Hein. Il permet de communiquer donc avec l'océan Atlantique. On a aussi assez vite atteint la passe de Gibraltar et donc on peut aussi passer sur la mer des Tyrans, c'est-à-dire l'ancienne mer Méditerranée. Donc c'est quand même vraiment une grosse plateforme commerciale. Il y a aussi autre chose qui rend la Casa Negra attractive, c'est que c'est aussi une plaque tournante de la drogue. Il y a tout un tas de drogues qui sont fabriquées à la Casa Negra, issues des substances organiques qu'on peut y trouver. Et il faut savoir notamment qu'il y a pas mal de ressortissants américains qui viennent en fait à leur risque et péril, qui s'arrangent pour rentrer dans Milvo pour venir finir se camer à la Casa Negra. Donc voilà, c'est ça le contexte. Et dans ce contexte, vous allez jouer en fait deux habitants de la Casa Negra, donc des Arabes, qui vont accepter une mission moyennant rémunération. Une mission qui lui aurait mandatée par un imam. Donc, je vais vous proposer avant de commencer le jeu proprement dit, je vais vous proposer de choisir vos personnages. Alors, il y a un personnage qui est imposé, il faudra que l'un d'entre vous le choisisse. Il s'agit de Jamila la Zélote. Jamila, en fait, c'est une Hashishine. Les Hashishines, ce sont des. Pour faire. C'est ce qu'on a autrement dit appelé les assassins. Ça C'est ce sent, ouais, qu'on. c'est ça. Voilà. Ce sont en fait des soldats de Dieu, hein, des soldats d'Allah. Et en fait, ils sont. C'est quasiment des fanatiques, hein, pas tout à fait, mais on va dire qu'on s'en rapproche quand même. Hein. Donc, c'est des gens qui vouent leur vie à la foi. Et généralement, en fait, ils sont mandatés par des imams pour commettre des assassinats, en fait, pour assassiner des blasphémateurs ou pour assassiner tout simplement des gens, des politiques des politiques ou des hérétiques qui menaceraient en fait l'islam. Et en fait, ils sont connus pour absorber des drogues qui leur permettent d'être complètement focalisés en fait sur leur mission. Et c'est aussi vraiment des personnes très pieuses. Et donc Jamila ne fait pas exception. Et sinon, alors les autres personnages qu'on peut choisir, donc là par contre ça va être au choix. Il y a Farid Grandepoigne, qui est en fait un homme de force. Hein, il travaille sur les docks. C'est quelqu'un de très costaud. Et c'est aussi quelqu'un qui voudrait ne pas s'éterniser dans Milvaux. Parce qu'en fait, il essaye de fuir un mariage forcé. Donc, pour ne pas avoir à être marié de force, il décide d'essayer de quitter Milvaux. Et en fait, cette mission l'intéresse parce que vous allez voir que la mission, c'est d'aller jusqu'au mur de la honte et de le franchir. Donc, justement, de quitter Milvaux. D'accord. Et le dernier personnage que je peux vous proposer, non, il y en a deux autres. Il y a Nasser le Malbougre. Alors, c'est un personnage à la moralité douteuse, hein, mais c'est un guide, donc il pourrait être utile dans cette expérience. Puis quelque part, le fait que sa moralité soit douteuse, ça peut le rendre utile parce qu'il aura peut-être moins peur de se salir les mains par rapport à quelqu'un comme Jamila, qui est très droit. Et le dernier personnage, en fait, s'appelle Ralid, et c'est un berbère, un nomade en fait qui suit les caravanes du désert. Et comme il s'agit en fait d'emprunter une caravane, ses connaissances de caravanier peuvent être utiles. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui préférerait jouer Jamila? Sachant que tous les personnages, on peut les changer de sexe. Hein. C'est-à-dire que Jamila, on peut l'appeler Jamil et puis du coup c'est un homme. Il n'y a pas de, au niveau statistique, ça changera rien du tout. Ah, Jamila, c'est une Hashishine, c'est ça, hein? C'est Tout un à fait, soldat d'Allah, c'est ça? ouais. Ok, d'accord. Moi, je veux bien prendre Jamila, mais pas le changer forcément en masculin, hein, garder Ok, comme ça. pas de souci, donc ça reste Jamina. Quant à toi, Philippe. Nasser me plaît bien. Ok. Alors, que je vérifie, mais normalement, vous avez des petits. Je fouille un peu dans mes notes parce que normalement il devrait avoir des avantages. Ah oui, bah si. Alors, Nasser le Malbougre, il a un objet à usage unique. C'est Oui. un scorpion. Et en fait, ce scorpion, il peut décider de l'utiliser à tout moment. Et en fait, le scorpion est enfermé dans une petite cage. Il n'est pas dressé, hein, mais tu peux en fait le lâcher sur quelqu'un et le scorpion va tuer cette personne automatiquement. Donc c'est assez puissant, mine de rien, parce que finalement tu as le droit de vie ou de mort quasiment sur une personne grâce à cet objet. Par contre, c'est à usage unique. Une fois que Tout à le fait. scorpion a piqué, en fait, il s'échappe et c'est pas possible de le rattraper. Ça va. Donc tu peux noter ça. Et quant à toi, Jamila, je vais sûrement vous appeler par les noms de vos personnages, en fait, ça va être plus simple pour moi. Ouais, pas de souci. Jamila, tu es comment? Tu es un vétéran en fait, hein, tu sais exceptionnellement te battre. D'accord. Et en fait, à une fois par scénario, tu peux rejeter ton dé. D'accord. chacun aussi, surtout vos deux personnages aussi, bon, je considère qu'il y aura pas mal de situations où vous serez capable de tuer sans faire de jet de dés, parce que bah, Jamina, c'est une ombre qui tue, hein, c'est un assassin professionnel, quoi. Donc face à une personne désarmée et qui s'attend pas à ce qu'on lui tombe dessus, elle aura pas de jet de dés à faire, quoi. Nasser, il y a quand même plus de probabilités, mais c'est pareil, s'il s'y prend suffisamment en douce, je pense qu'il doit être capable d'assassiner quelqu'un dans le dos sans avoir de faire de jet de dés, quoi. Mais vous vous doutez bien qu'à un moment ou un autre, vous tomberez face à une adversité un petit peu plus retorse, et là, on devra sortir les dés, et comme bah, 3 points de vie, vous allez voir que c'est pas beaucoup. Ça Donc, marche. Si vous êtes d'accord, on va commencer la partie. À moins que vous ayez des questions. Non, tout va bien. Bon, tout... non, non, ça va. Si tu pouvais me rappeler un petit peu le caractère de Jamila, enfin un petit peu comment elle se comporte. Alors, il faut que tu considères que sa piété est vraiment sans faille, quoi. D'accord. C'est-à-dire que si elle estime que quelque chose suit la volonté divine, elle va s'y tenir jusqu'au bout. Le D'accord, ok. problème, c'est que Allah ne parle pas. Hein. C'est-à-dire que c'est à elle à tout moment d'interpréter la situation et de voir si ce qu'elle fait est bah, entre guillemets que est ce que voudrait Allah. Donc il y a des moments où il faudra qu'elle fasse des choix et finalement elle sera livrée à elle-même, quoi. Parce que D'accord. il y a personne pour lui dire finalement comment elle doit interpréter sa foi. Ok, ça marche. Quelle est notre relation de départ? Je suis un guide engagé par Jamila ou par l'imam ou... Je considère que t'es engagé par t'as été engagé par l'imam. Ok. Et ma mission couvre? Eh bien, comme t'es un guide, vous allez voir que la mission est justement de se joindre à une caravane. Bon, de toute façon, elle vous aura expliqué un petit peu plus en cours de jeu. Mais toi, t'as été recruté pour tes compétences de guide. On n'est pas forcément au courant que tu as d'autres compétences, comme par exemple le fait d'assassiner des gens avec des scorpions. Enfin, je vais lire ma mission à moi. Je suppose qu'on rigole pas quand l'imam des Achachines confie une mission. C'est de mener Jamila jusqu'au bon point. Ouais, voilà, sachant que ta motivation première, c'est l'argent. Je m'en doute. Voilà. Donc en fait, vous avez été recruté par un imam qui s'appelle Amin Abdaltot, et donc qui vous a écrit en fait, qui vous a donné rendez-vous dans sa mosquée, au cœur de la Casa Negra. Et donc quand vous arrivez dans cette mosquée, vous rendez compte qu'elle est en proie à une décrépitude un petit peu inattendue. Bon, il faut savoir qu'à la Casa Negra, la végétation se développe à toute vitesse. Et donc, en généralement, les mosquées ben, sont vraiment entretenues, c'est-à-dire qu'on essaye de couper les plantes autour de la mosquée le plus souvent possible pour qu'elles soient vraiment propres. Hein, et là, en l'occurrence, quand vous arrivez à la mosquée, déjà, ce qui vous étonne, c'est que le minaret est vide, il est envahi par la végétation. Très clairement, on ne doit plus entendre le son du muezzin. Le muezzin, c'est la personne qui appelle à la prière. Depuis un moment, et en fait la mosquée elle-même est également envahie par la végétation, c'est-à-dire qu'il y a carrément de la jungle qui ressort de la mosquée. Quand vous rentrez là-dedans, on entend des cris d'oiseaux et d'animaux divers. Et c'est un imam passablement maigri et visiblement angoissé que vous rencontrez, quoi. Donc c'est une grande personne à la longue barbe grise, les traits très maigres, et il est accompagné en fait d'un serviteur qui s'appelle Mahmoud le Marqué. Il s'appelle comme ça en fait parce que son visage est couvert de psoriasis. Et avant d'aller plus loin, je vais peut-être vous demander de vous décrire un petit peu comment vous imaginez votre personnage. Nasser est un homme de taille plutôt petite. Il se tient de manière un peu voûtée. Il est, quand on y regarde un peu plus près, s'il se tenait bien, il serait presque beau. Mais il a plutôt tendance à s'effacer dans le décor. Et il a une très mauvaise haleine. Quant à toi, Jamila? Moi, je suis le visage couvert, donc on voit que mes yeux. Une sorte de grande de grande gel là-bas, en fait. Je suis rousse. Les yeux verts. Je suis pas trop mal foutu, on va dire. Et Et du coup, est-ce que t'es une occidentale ou une caucasienne ou est-ce que t'es une maghrébine ben, on bon, sait pas. est-ce que t'as le teint mat J'ai le teint mat, ouais, j'ai le teint mat, donc je pense, enfin, je suis plus maghrébine en fait, hein. D'accord. Mais on voit que mes yeux en fait, parce que je suis couverte de pied à la tête. Et par contre, on remarque quand même que j'ai un poignard assez effilé dans son fourreau, en lame incurvée, accroché à une ceinture en fait. Comme le désert est. Il fait quelle température en fait? Il fait plutôt chaud, il fait. La Casa Negra, le climat est tropical. D'accord, ok. Donc ouais, je suis bien couverte pour éviter, enfin voilà quoi, comme les hommes, les Touaregs en fait. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc l'imam, quand il vous voit arriver, il fait, je vous prie sincèrement de m'excuser pour le désordre. L'affaire qui me préoccupe ces derniers temps, me consomme justement toutes mes préoccupations et j'ai été obligé de comment. J'étais obligé de renvoyer tout mon personnel, hein, y compris le muezzin. Donc, on peut pas enregistrer, on peut pas entretenir la mosquée telle qu'elle devrait l'être. De toute façon, on n'a pas célébré. Comment il n'y a pas eu de cérémonie, hein, depuis quelque temps. Les gens sont renvoyés vers les autres mosquées. J'en suis vraiment navré. J'ai peur que ça choque votre piété, mais je n'ai pas le choix. C'est dommage. Je vais vous expliquer ce qui me préoccupe, moi et mon fidèle Mahmoud. Un ami à moi, en fait, un imam très saint et très pieux, a été victime d'une malédiction. En fait, il a combattu un imam shaitanite. Alors, vous connaissez peut-être pas l'hérésie shaitanite. Alors en fait, bon, juste information de MJ à joueur, Jamila, elle sait c'est quoi les shaitanites, du moins dans les droites lignes. Donc là, ce que va dire l'imam, t'apprendra rien, quoi. D'accord. Par contre, Nasser, tu connais pas. Ok. Les shaitanites sont des musulmans qui pratiquent un islam complètement corrompu, en fait, qui correspond tout simplement à souiller aux pieds les cinq piliers de l'islam. Concrètement, ils estiment qu'il y a une créature qui s'appelle le Shaitan, le diable, qui marcherait à la sur les pas d'Allah et qui apporterait son message. Et en fait, concrètement, ce sont des fous, hein. Ils suivent le message du Shaitan, croyant que c'est le message d'Allah. Et notamment en fait, l'islam, un des principaux commandements d'islam shaitanite, c'est de répandre la corruption. Alors, vous comprenez que cela ne peut pas être, c'est complètement contraire à l'islam, c'est une abomination. Et en fait, les imams shaitanites sont malheureusement des sorciers avec de grands pouvoirs. Et ils ont ils ont métamorphosé mon ami. En fait, ils l'ont transformé en... Ah, je n'arrive même pas à dire ce mot. Laissez-moi plutôt vous montrer. Et en fait, Mahmoud vous invite à aller dans une arrière-salle de la mosquée qui est masquée par des grandes tentures. Et avant qu'il bouge la tenture, ce que vous vous rendez compte, c'est que il y a vraiment une puanteur fétide qui en émane, quoi. Je mets la main devant la bouche, quoi. Ok. C'est devant le nez. Donc Mahmoud enlève la tenture et ce que vous voyez en fait c'est une truie énorme, enfin vraiment de belle taille, Elle est obèse, elle est sale, comment elle a des furoncles. Et agroupée en fait sur ses mamelles pantelantes, il y a une douzaine de porcelets grisâtres, aveugles et visiblement pas tout à fait bien formés, quoi, presque comme s'ils étaient encore à l'état fœtal, quoi. Et donc qui sont attroupés sur ses mamelles et qui les têtent à pleine bouche. J'ai un walker quand même. Et donc là, l'imam fait oui, en fait, je vous présente mon ami, mon frère, qui était un très saint imam par le passé. Et donc là, la truie se met à vous parler. Et Là, je donc, crois que je blanchis d'un coup, hein. elle fait, je m'excuse pour mon apparence monstrueuse. Comment par Allah, je sais que je suis un blasphème ambulant. Comment ça me donne envie de mourir, mais je dois tenir le coup. Il faut combattre jusqu'au bout l'hérésie. Et donc je n'ai pas le droit de mourir. Et donc l'imam Amin Abdaltot reprend. Et en fait, il explique qu'il existerait une solution, en fait, c'est-à-dire il faudrait traverser le désert du Sahara, dépasser Tamanrasset, et après Tamanrasset, en fait, il y a une faille dans le mur de la honte. Alors toi, Nasser, en tant que guide, tu sais ce qu'il dit est vrai. Ok. Et au niveau de cette faille, en fait, il y a possibilité de passer en Afrique. Ce sont les Dogons qui contrôlent cette passe. Et peut-être éventuellement en les corrompant, mais il est possible en fait de traverser la passe. Et en fait, une fois que vous serez arrivé dans les cités Dogon, vous trouverez les sorciers Dogon qui devraient être capables de désenvoûter mon ami. Je suis prêt à, en fait, comment? Je suis prêt à vous payer une somme nécessaire à vous mettre à l'abri du besoin jusqu'à la fin de vos jours pour que vous accomplissiez cette mission. Alors bon, il vous donne une somme. On va pas être dans le registre comptable, mais il vous paye en pièces d'or, donc c'est vraiment quelque chose de sonnant et trébuchant. Et clairement, effectivement, toi, Nasser, qui est motivé par l'argent, c'est plus que tu pourrais gagner en une vie, quoi. C'est extrêmement motivant. Ok. Ben, je pense que de toute façon, là, je suis pas certainement pas très pieux, mais c'est quand même assez horrible ce qu'on vient de voir. Je crois que ça me motive un peu aussi, en plus. Bon, dois-je comprendre que vous acceptez ce travail, cette sale besogne? Par là, oui. Je ferai tout pour vous aider. Mahmoud, Moi. qui m'est dévoué jusqu'à la mort, vous accompagnera en fait. S'agit-il de convoyer votre ami jusque-là ou de ramener un sorcier Dogon jusqu'ici? Non, une fois que vous aurez trouvé le sorcier Dogon, il pourra faire le travail. Bon, enfin, si, il faudra ramener l'imam, mais ce sera beaucoup plus simple une fois qu'il sera redevenu un homme. Clairement, la partie la plus délicate de la mission, c'est de faire l'aller, quoi. Parce qu'en fait, on voyage pas avec un porc. Ça ne se fait pas. Vous Bah non. comprenez qu'il va falloir, il va falloir cacher notre ami, quoi. Oui. Et les porcelets? La truie se met à parler, toujours dans une voix immonde, hein, c'est un grognement sifflant et tout. Je fais non, mais je suis sincèrement navré, mais il faut les amener avec moi. Comment dire, ils sont apparus en même temps que moi, je pense qu'ils sont une partie de moi-même. Ça se trouve, si un porcelet disparaît, peut-être que je perdrai une main, je n'en sais rien. Et puis même, j'ai honte à le confesser, mais cette enveloppe commence aussi à prendre le pas sur mon esprit, et j'éprouve une sorte d'attachement maternel à ces créatures immondes. J'en suis sincèrement confus. Je les compte, il y en a combien? Il y en a 12. Super. Alors l'imam vous donne en fait à chacun un sac de pièces d'or. Alors considérez que pour tout ce qui est achat classique, on fera pas de comptabilité, vous pouvez payer, vous aurez toujours de quoi faire. Par contre, en fait, il y a certaines choses qui coûteront vraiment cher, qui coûteront en fait un sac entier. D'accord. Bon, il vous restera juste de la petite monnaie pour faire des petites dépenses, mais grosso modo, ça veut dire que vous avez Mahmoud un sac, et vous deux, vous avez un sac chacun, et c'est ce qui vous servira pour les grosses dépenses, quoi. Les dépenses cruciales. Dis-moi Nasser, est-ce que tu as une idée du temps qu'il va nous falloir pour aller jusqu'au mur? Alors, est-ce que j'en ai une idée? Ouais, tout à fait. Tu penses qu'il y en a pour 3 semaines? Et on va voyager qu'une caravane jusque-là, je suppose, c'est plus logique. C'est inenvisageable de voyager seul. Et puis à un moment donné, on doit quitter la caravane. Il faut qu'on s'organise effectivement pour que déjà que la truie soit pas visible, ainsi que les porcelets, pour éviter, La caravane, elle va jusque dans la cité d'Ogon, de toute façon. Donc, vous pouvez rester dans la caravane du début à la fin. Ah oui, donc si vous séparez de la caravane, ce sera à vous risquer péril. Survivre tout seul dans le désert, ce sera extrêmement compliqué, quoi. D'accord. Donc en fait, il va falloir qu'on cache quand même la truie avec les porcelets pour éviter que la curiosité malsaine n'atteigne la caravane, quoi, et qu'on vienne voir quelle est cette curiosité un peu étrange, quoi. Ouais. Alors Amine, il peut déjà mettre à votre disposition une cage. Bah, parfait. Une cage à roulettes en fait. Et puis une tenture pour couvrir la cage. D'accord. Ensuite, pendant ces 3 semaines, il faut bien se nourrir. Il faut bien nourrir les porcelets. Enfin, les porcelets, eux, ils n'ont pas de soucis puisqu'ils vont téter. Mais je pense que notre ami va devoir manger. Ouais. Et là la truie dit, je dois en plus préciser que j'ai vraiment un appétit féroce. Enfin, c'est encore une fois, c'est à cause de mon enveloppe, mais il me faut avaler des quantités assez blasphématoires de nourriture. D'accord. Et quelle est votre nourriture? Que mangez-vous? Je me sens capable de manger absolument n'importe quoi. D'accord. Rassurez-moi, des fruits et des légumes et de la salade. Oui, je peux manger ça, bien sûr, mais s'il fallait manger de la viande pour survivre, je le ferais aussi. Oui. Oui, donc, manger il va nous falloir dans le désert, de la salade. C'est ça, 3 semaines de salade. Aussi la transporter, quelque chose qui se conserve un peu mieux, des racines, des tubercules. Ouais, c'est ça, ouais. Des racines, des choses comme ça. Ouais. Bah, si vous voulez, vous pouvez aller au marché faire vos courses. Ouais. Ça va être ça, on va commencer par ça déjà. Mais on pourrait peut-être, si on désire être discret, convoyer d'autres animaux qui auraient le même régime alimentaire en même temps. Ouais. Mais bon, ça risque d'être compliqué comme organisation. C'est possible. Si on arrive au marché. Considérez que si vous voulez acheter toute une ménagerie, ça va vous coûter un sac. Oui, ça a coûté très cher et ça va nous compliquer fort la tâche parce que moi je sais pas m'occuper de ces bêtes. Et puis. Éventuellement avec la ménagerie, il y a moyen d'acheter un éleveur avec, quoi, qui gérera les animaux, quoi. Vous aurez que la truie à gérer, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, mais enfin. Moins il y a de monde à savoir, mieux c'est, hein. Mais bon, c'est vrai qu'au marché, bonjour, on voudrait 3 tonnes de salade. Parce que quand on me dit de la nourriture blasphématoire, j'imagine une grande quantité assez énorme en fait, quoi. Donc, je pense qu'il faut prévoir un chariot pour la nourriture. Un chariot, ouais, voilà, ça va être ça, ouais. Un chariot pour la nourriture. Et après, il y a plusieurs oasis en fait sur le trajet. D'accord. Où il y a moyen de se réapprovisionner en nourriture. Quoi. Ce que je me dis aussi, c'est si l'imam perd progressivement l'esprit et que l'esprit de la truie corrompue prend le dessus, de coopératif va peut-être devenir très rétif. La cage a son sens, mais il faudrait peut-être avoir plus de mesures pour pouvoir la retenir, l'empêcher de crier, parce que si une truie se met à gueuler pendant le trajet... Oui, on va avoir des soucis. Alors clairement, si tu veux acheter du matériel de contention vraiment efficace, ça va te coûter un sac. Oui, et puis vas-y, pour mettre ça sur une truie qui ne veut pas. Alors bon, demander, parce que même l'imam lui-même, est-ce qu'il va apprécier de... Je pense pas qu'il accepte qu'on le mette en contention, quoi. On pourrait... Là, je ne parle de ça qu'à Jamila. Donc à la limite, considérez que vous êtes en aparté, c'est-à-dire que, grosso modo, ils vous ont laissé 2 jours pour faire vos emplettes. Hein, voilà. Et donc, effectivement, ils sont pas là. Mais bon, dès que vous avez besoin, vous repassez à la mosquée. Et si puis, il y a la date du départ de la caravane, je suppose, c'est dans 2 jours. Bah, il faut trouver une caravane, parce qu'en fait, ils en ont... c'est aussi votre boulot, c'est de trouver la caravane. Donc, il y a 3 choix pour la caravane, sauf si vous décidez de voyager seul. Ça ne semble pas être une bonne idée. Il y a une caravane de berbères. L'avantage, clairement, c'est que c'est les... toi, Nasser, c'est plutôt dans les caravanes de berbères que tu évolues d'habitude. Mm-hmm. L'avantage, c'est qu'ils sont musulmans. Et l'inconvénient, c'est qu'ils sont musulmans. Oui, voilà. Il y a une caravane de Carthaginois. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas musulmans. Et donc, peut-être qu'ils accepteront sans faire de chichi que vous vous trimballiez un cochon. Mm-hmm. Le défaut, c'est que les Phéniciens, en fait, ils sont ici pour faire du... ce sont des marchands. C'est un peuple qui est quasiment en guerre froide avec les royaumes mèdes. Et ils sont réputés pour être vraiment cruels, quoi. Ce sont tous des guerriers. Et donc, c'est des gens avec qui il va être difficile de négocier ou de collaborer vraiment, quoi. D'accord, et troisième choix. Le troisième choix, en fait, c'est une caravane d'Américains. Enfin, plus exactement, en fait, ce sera plus rapide parce qu'ils ont des véhicules à moteur. Par contre, ce sont des gens sans doute instables. Il y aura sans doute une bonne moitié qui seront toxicomanes. Peut-être aussi une certaine moitié qui sont soit racistes, soit en tout cas peu collaboratifs en fait avec vous, quoi. D'accord. Ouais, et puis si leur prend envie de se faire un bon barbecue. Nasser, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Bah, si vous avez 3 choix. Oui, mais dans l'absolu, oui, mais. La caravane de berbères, je pense qu'on va éviter. Ça m'embêterait de devoir tuer des frères musulmans si jamais il y a des soucis. Ensuite, les Carthaginois. On peut essayer de tenter effectivement les Carthaginois pour négocier un peu avec eux pour voir comment ça peut se passer. Faut que je vous signale un truc avec les Carthaginois, ça peut être un défaut comme une qualité. Mais c'est des gens qui, encore plus que les musulmans, c'est des gens qui condamnent la contamination biologique, qui condamnent les Orlas et tout, et qui mènent une véritable guerre sainte contre la corruption, quoi. C'est-à-dire que avec ces deux, en fait, ils ont quasiment transformé tout leur environnement en désert pour lutter contre la corruption, quoi. Moi, je parierais sur les Américains. Je suis aussi d'accord avec toi, Nasser. Les Américains, j'aurais aucun souci à tuer des Américains si jamais ça se passe mal. Et on peut acheter de la drogue pour servir de monnaie d'échange et de motivateur. Et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à faire taire la truie si elle vient à poser problème, on peut prendre quelques somnifères à glisser dans sa nourriture, et ça pourrait régler le problème sans nous exposer à un danger physique ou à une contrainte qui lâche, une corde qui casse. Allons essayer de négocier avec ces Américains. Ok. En fait, vous allez trouver un petit peu tout ce qui vous intéresse dans un seul et unique quartier, bon, à part la bouffe. Hein. Le quartier américain, En fait, c'est un quartier où il y a à la fois des docks. Bon, les docks, grosso modo, c'est des vulgaires. Des vulgaires jetés en bois, hein, très mal embarqués, sur lesquels sont entassés des hors-bords, des hydroglisseurs et puis quelques raffios qui prennent la rouille et les algues. Le tout est à moitié envasé, enfin vraiment en train de tourner au marécage. Et puis donc, dans ce quartier, on a aussi un marché. Qui est peut-être le marché le plus étrange de la Casa Negra, en fait, où il y a des personnes qui sont entièrement couvertes de burqas, de façon à ce qu'on soit incapable de voir à quoi elles ressemblent vraiment, qui vendent des espèces de scolopendres qui servent de drogue. On a des enfants, en fait, des enfants maigres qui vendent des seringues. Et il y a tout un tas d'épiceries fines où on vend bah, tout un tas de matières hallucinogènes. Ça va du peyote jusqu'au très rare et précieux opium jaune, qui est une drogue extrêmement puissante. Et puis donc, il y a aussi donc des Américains, il y en a qui sont de véritables épaves, hein, qui se trimballent en tenue kaki, complètement déglinguées, qui sont défoncés du soir au matin. Et puis, on a quelques entrepreneurs qui essayent, tant bien que mal, d'avoir des bâtiments en ferraille et de vendre des vraies marchandises, soit des armes de contrebande, soit éventuellement des moteurs, des choses comme ça. Et qui essaye de faire un business dans cette ville de la Casa Negra. Bon, c'est clairement pure folie et ils sont condamnés au déclin à leur tour, quoi. Et on a une idée de qui organise la caravane qui va partir? Ouais, en fait, le mec qui commande la caravane s'appelle le Mad Hatter, le Chapelier Fou. Et donc c'est un ancien des forces spéciales qui est devenu mercenaire et qui a compris qu'il y avait beaucoup à faire sur le trafic entre les États-Unis et Millevaux, hein. Parce que Millevaux, en fait, il va regorger de ressources organiques qui peuvent intéresser les États-Unis. Et donc il organise cette caravane. C'est une caravane de véhicules à moteur, hein. C'est la seule, parce que les Carthaginois, c'est des chevaux, et puis les Berbères, c'est des dromadaires. Et donc, en fait, vous imaginez qu'il y a des espèces de grands hangars avec des véhicules à la Mad Max, principalement des 4x4, des buggy ou des motos customisées, crades, puant la fumée et pétaradant. Et donc, de ce qu'on peut voir autour du hangar, les mecs. C'est une espèce d'infâme mélange, ouais, de paramilitaires complètement timbrés et puis de toxicomanes en tout genre. Serge, je te laisse parler. D'accord. On D'aller s'est voir la chapelle. identifié. Le Mad Hatter, là, on est près de lui ou dans Ouais, le coin? le Mad Hatter, vous le voyez en train de jouer au poker. Ils sont sur des tonneaux et tout, et le mec il est torse nu, comment, avec juste avec une grosse cartouchière, en fait, qui lui sert de gilet, pour ainsi dire. Il a un visage, il a un crâne chauve et tout rouge, en fait, de coups de soleil. Et il a une espèce effectivement de chapeau de forme trouée, qui est complètement par accord avec son look paramilitaire. Et il a le regard assez dur de ceux qui sont drogués au PCP. Ok. Je me mets à côté de Nasser, mais un petit peu en retrait, tu vois, comme si en fait j'étais la femme de Nasser. Je baisse un peu la tête, tu vois, pour être un peu joueur soumise, quoi. Ouais, Et du je me coup, mets un petit peu il en est sans retrait. doute pas assez. En fait, il fait. Bah, vous, je vous reconnais, vous êtes une hachichine. Non. Visiblement, bon, c'est sans doute pas le cas de ces hommes de main, mais lui, il connaît quand même un petit peu la région, quoi. J'éclate de rire. Et ah ben, je vois qu'on nous a bien renseigné. Vous n'êtes pas quelqu'un à qui on peut entuber comme ça. Pourquoi t'avais prévu de m'entuber, mon garçon? Non, mais on n'est jamais trop prudent. On a envie de faire une balade vers la faille dans votre magnifique mur et on a entendu dire que vous deviez vous y rendre prochainement dans les jours qui viennent. On voudrait voir s'il n'y a pas moyen de s'arranger pour qu'on vous accompagne. Bah ouais, ça doit pouvoir se faire. Donc là, il t'annonce un prix. Et en Oui. fait, tu savais les prix des deux autres caravanes, où grosso modo, je vous aurais pas fait payer, enfin, c'était pas trop cher. Et là, il te demande carrément un sac. En mon D'accord. fort intérieur. Je te fais un prix d'amis. On a quelque chose à convoyer à un animal et il doit arriver sain et sauf chez les Dogons. Ça fait partie de ton prix? Ouais, c'est bon. Bah, pour moi ça les vaut, je sais pas ce que t'en penses. Si, si, c'est bon. Ok. Bah, je donne mon sac. Ok. Paye Donc bon, d'avance. écris sac et puis barre sur ta Oui, feuille c'est pour qu'on fait, soit c'est bien fait. sûr hein, que tu l'as dépensé. Ok. Bon bah partant de là, est-ce que vous avez encore d'autres emplettes à faire ou des renseignements à prendre hein, avant de partir? Le temps de trajet pour calculer la nourriture. Alors comme ils vont plus vite, faut considérer 2 semaines. Ok. D'accord, donc on a 2 semaines de nourriture à acheter pour... Nous trois et la truie. Ouais, on va pouvoir aller au marché, je pense, puis essayer de trouver tout ça. Ouais, donc vous allez au marché. Donc c'est un grand, en fait le plus grand marché, c'est le marché berbère. Donc on trouve c'est comment on trouve des hommes et des femmes avec le visage tatoué. On croise des fois aussi des hachichines qui ont des versets du Coran tatoués sur les joues. Il y a tout un tas de personnes qui sont agenouillées devant des qui sont installées tranquillement à genoux devant des immenses paniers en fait qui sont remplis d'épices de fleurs comment il y a aussi des vases remplis de parfums et puis il y a pas mal aussi de grosses jarres qui vont contenir du grain notamment et puis tout un tas de fruits secs. Il y a aussi des ateliers où on découpe des moutons. On essaye de trouver surtout des marchands de fruits, de légumes, etc. Donc ouais, bah, vous trouvez une vieille berbère avec plein de fruits secs qui sont mis à sécher sur des grands tapis. Des Elle dattes, des est choses comme constamment en train de ça. se battre contre des scarabées qui essayent de lui dérober sa récolte. Donc vous voyez, elle a une espèce de tapette à mouche, elle n'arrête pas d'aller et venir et de frapper des insectes. Alors bon, clairement, quand elle te voit, Jamila, elle se penche bien bas. Est-ce que clairement les Ashishins sont autant respectés que les Inams, voire plus? D'accord. Je tiens à préciser que c'était quelque chose sur lequel je comptais en payant d'avance comme ça, en acceptant le prix directement. C'est la réputation des Ashashin et je suppose que même quelqu'un comme Mad Hatter n'a pas intérêt à faire trop le malin avec eux s'il veut continuer à faire des affaires à Casa Negra. Hein. Ouais, bah très, ouais, c'est très certainement qu'il tuerait pas une hachichine à la légère, quoi. Il Et moi, faudrait je ne vraiment qu'il laisserai ait de pas bonnes faire. raisons. Peut-on vous acheter légumes, fruits en quantité? Oui, bah il n'y a pas de problème. Enfin, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Est-ce qu'elle a assez pour une nourriture blasphématoire. Bah en fait, pour des quantités normales, c'est-à-dire vous-même pour vous nourrir dans 2 semaines, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est gratos, entre guillemets, quoi. Ouais. On tient pas les comptes. Vous pouvez embarquer des fruits secs et puis de la semoule, enfin des choses qui se transportent. Par contre, bah en fait, pour la nouvelle quantité blasphématoire de nourriture, je vais vous demander si vous claquez un sac ou 2 sacs. Est-ce que ça comprend l'eau? Ou les moyens de s'hydrater. Ouais, ça comprendra aussi l'eau, ouais. D'accord. Alors, un sac ou deux? Bah sans éléments pour juger, c'est vraiment la loterie, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vous avez aucun moyen de savoir si s'il faut aller jusqu'à deux sacs ou si un sac suffira. Je pense que deux sacs, ça aurait été valable pour 3 semaines, mais étant donné qu'on n'a que 2 semaines, moi, je partirais plus sur un sac. C'est ce que je dirais aussi. Donc un Ok. sac. Ça roule. Et Bah, hop, du coup, je vous avez un rentre. chargement vraiment copieux de légumes en tout genre et tout. Il y a des tubercules aussi, notamment. Quelque chose qui pourrait plus convenir à un plantigrade tel que la truie, quoi. Surtout sur la drogue, elle Le pain. mangera moins. Ouais. Bah, tu prends de la drogue pour la truie? Si j'en trouve. Si on a Bah, il y en avait dans le possibilité. quartier américain, si tu veux, il n'y a Ouais. qu'à se pencher pour en trouver. Après, clairement, pour trouver Mais quelque chose d'assez violent pour dans le pouvoir quartier nettoyer, américain, ça va plutôt être coûterait un de. sac. Ouais. Moi, ça me semble être une bonne dépense, mais il faut être sûr de ne plus avoir de dépenses à faire bah, Bah, après. ça veut dire que vous partez à sec, hein. Tout à fait. Faudra improviser après, hein. Ouais. D'un autre côté, avec les Américains, si la truie gueule, on s'en fout, mais complet. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Donc, gardons notre sac, on sait jamais. Mais Ayons vérifiez un sac. bien la solidité de la cage. Oui. Ouais. Quitte à prendre de la corde supplémentaire Oui. pour renforcer la cage, chose comme ça, qui ne nous coûtera pas un bras. Non. Voilà. Je suis d'accord. Ok, ça roule. Bon bah si vous voulez bien, on va faire démarrer la caravane. C'est bon pour moi. C'est bon, C'est vous n'avez bon plus pour rien à moi faire. aussi. Ok. Donc au terme de vos 2 jours d'emplette et tout. Alors question, est-ce que oui de toute façon vous avez la cage couverte d'une tenture, parce que de toute façon tant que vous n'avez pas quitté la Casa Negra, il est hors de question que la truie soit visible. Oui, et puis il faut Ah de toute façon de oui, quoi la protéger du soleil et de quoi nous bon. protéger du Ouais, tout à soleil. fait. Alors vous partez dans ce convoi sale et pétavard à dents, quel convoi américain. Hein. Ouais. Ils sont. Remarquez, je pense que vous-même, du coup, on a dû. Enfin, c'est. Ça, comment. On a dû vous faire monter dans une remorque, en fait. Parce que bah, votre cage à roulettes, On elle a perdu. tiendra pas le rythme des véhicules à moteur, quoi. Donc en fait, il y a une espèce de grosse remorque à chenilles, et ils vous ont dit de monter la cage là-dedans. Oui, ça marche. Alors il y a diverses caisses de matériel avec vous, et puis il y a aussi et là c'est un peu problématique. Il y a aussi 3-4 Américains. Avec nous? Ouais, il y a notamment un couple de. En fait, il y a deux paramilitaires qui font la sécurité, quoi. Et puis il y a un couple de. Comment? Il y a un couple de junkies qui ont l'air de vraiment se détester, en fait. Allez voir, on comprend que peut-être qu'ils s'aimaient quand ils sont arrivés à Millevaux et que la drogue a fini par déchirer leur unité, mais complètement, quoi. Il y a une femme blonde très maigre et comment un mari comment le mari c'est un gars ventripotent et tout. Visiblement il doit être assez porté sur la chose, il a pas pu s'empêcher de faire des œillades en coin à Jamila, malgré le fait quand même que tu sois assez pieusement vêtu. Je Donc relève là. pas, hein, de toute façon. Ouais, tout à fait. Bon, il n'incite pas plus que simple. La remorque démarre. Sous un nuage de sable absolument horrible. Très rapidement, en fait, les deux paramilitaires me font putain, mais ça chlingue, qu'est-ce que vous trimballez comme ça, quoi? Bon, c'est vrai que bon, je l'ai précisé au départ, quoi. La truie est le daube, mais il a infection. Hein. Et en fait, assez rapidement, il y a un des paramilitaires qui se penche par-dessus la remorque et qui se met à gerber tout le contenu de son estomac. Aucune D'accord. endurance. Ces Américains. Et donc l'autre paramilitaire, il fait, mais dites donc, qu'est-ce que vous trimballez là et tout, c'est dégueulasse, on va Moi, partir 2 semaines de trajet avec vous. je m'approche près de lui avec mon haleine fétide droit dans sa figure. Je sens rien de particulier. Et moi, je rajoute, ben non, moi non plus. Ouais, bon, clairement les mecs, tout le reste de la journée, ils vous adressent pas la parole et ils arrêtent pas de vous faire des petits regards de détestation en coin, quoi. Bah, perso, je n'ai pas particulièrement allié contact. Moi non plus. Moi j'ai une mission, je m'y tiens. Donc la caravane part dans le désert, donc. Au début, on quitte la Casa Negra, la jungle commence par devenir une terrasse avec des cultures irriguées et tout. Et puis au bout d'un moment, ça fait place à la rocaille avec juste quelques touffes d'herbe. Et puis finalement, vous arrivez carrément dans le désert avec ces dunes de sable. Le désert, voilà, pur de toute corruption. Bon, à part les diverses canettes de bière et autres seringues que les Américains balancent dans le désert sans aucun respect, évidemment. Il fait une chaleur à crever. Bon, après, je considérais que vous, ça vous pose pas plus de problèmes que ça. On voit que même les paramilitaires, ils sont beaucoup moins armés pour ça. Le mari un peu lubrique là, il passe la deuxième journée, il la passe alité, à moitié délirant en fait, à cause de la chaleur. Et les deux paramilitaires, clairement, ils vous ont regardé toute la journée et en laissant passer des insultes entre leurs dents, quoi. À chaque fois que vous passiez à côté, il y avait des petites remarques. Certainement pas poli à votre égard, quoi. Moi, j'essaye de dormir ou de me reposer tant que ça peut se faire dans la chaleur, de toute façon. Je sais bien qu'il y a les chaos, la poussière, tout ça, mais il y a rien à faire. Et moi, je suis sur mes gardes et je veille. C'est-à-dire que comment je surveille les deux Américains. Le couple de junkies, bon, c'est pas trop grave, mais les deux Américains qui nous ont fait des réflexions. Comment dire? Je les surveille. Et Ok. la junkie, elle ne fait rien de particulier, tu ne l'as pas mentionné. La junkie, elle se pique. Donc elle a passé la journée en trip. Et généralement, quand elle est réveillée, elle donne des coups de pied dans son mari là, qui est en train d'agoniser à moitié d'insolation. Les deux Américains, là, ils ont jamais tenté d'essayer de voir ce qu'il y avait dans la cage. Personne n'a tenté jusqu'à présent. D'accord. Tout le monde s'est plaint de l'odeur, mais Mais personne n'a bougé pour aller voir ce qu'il y avait dedans, quoi. non, non, non. Okay. D'un autre côté, tu comptes le cacher s'ils veulent le voir? Maintenant, Ben, on est sorti de la ville. maintenant, non, parce qu'on n'est pas dans une caravane, on va dire, où ça va poser un problème. Donc tu finis Donc, par montrer en fait. ben, on finit pas par montrer, mais si jamais ils veulent jeter un coup d'œil, je vais pas les en empêcher, quoi. Ok. Bon, bah alors justement, je fais une petite ellipse. C'est à la tombée de la nuit, la caravane s'est arrêtée. Elle bivouaque dans le désert. Et justement, en fait, croyant que tu remarquerais pas, y a un des militaires qui commence à s'approcher doucement de la. Comment? Qui s'approche doucement de la tenture, sans doute dans le but de la soulever. Du coup, comment tu réagis à ce moment-là? J'essaye de m'interposer pour voir, Ouais. et j'ai la main sur mon poignard. Oh là, tout doux, ma belle. Je voulais seulement regarder qu'est-ce qui dope comme ça dans ta cage, quoi. Y a rien à voir. Passe ton chemin. Ok. Tu te fous de ma gueule là, ça te pétasse, hein. Pardon. Et je lui Attends, mais qui décoche. t'es pour... Je décoche un grand coup de pied et là où ça fait bien mal pour les mecs. Ok. Je Bon, suppose que ça suffit à attirer mon attention quand même. Ouais, bien sûr, là, t'es réveillé direct et tout, parce qu'en fait, t'es réveillé, tu vois le vi... au moment où tu te réveilles, tu vois le visage de l'Américain tomber juste à côté de toi, sur le bas de la remorque. Il y a deux, de... il perd deux dents et tout, et puis il se tient devant toi en gueulant et en se tenant les parties. Il y a son pote qui, comment? Il y a son pote qui se réveille aussi, qui commence à mettre la main à son flingue. Ok. Oui. On est dans la remorque ou on est à côté? Ouais, dans la remorque a arrêté. Ok, donc on loge dans le véhicule, quoi, en gros. Ouais. Il y a aussi les deux Américains, mais ils sont complètement en chasse là. Il veut faire usage de son arme ou pas? Comment? Vu ta science du combat, tu sais que là, il veut juste vous tenir en joue, quoi. Donc, est-ce que D'accord. tu le laisses faire ou est-ce que tu fonds sur lui? Je laisse faire. Ok, bah, il vous tient en joue, il fait « Oh putain, c'est quoi votre putain de problème ?» Votre ami a été irrespectueux. Je vais rappeler quelques règles. Ok. Bon, il ramasse son copain et tout. Il remballe son flingue. Il fait « Tu emporteras pas au paradis de toute façon. » Bien sûr. Est-ce que vous laissez couler la nuit sans faire plus de détails? Non, je vais essayer de veiller jusqu'à ce que je puisse plus, mais Trenérer. ça sent la vengeance derrière, donc je me méfie. Ok. Bah en fait tu veilles. On se relaie avec Nasser, je pense. Ouais. Et la seule chose que tu peux observer pendant ta veille, c'est que au bout d'un moment, les deux mecs, les deux militaires, se cassent. Ils vont aller, en fait, ils vont dans le campement principal. Et ils passent une bonne moitié de la nuit dans le campement principal. Ok. Bon, sachant que c'est quoi, ils sont quand même censés rester à leur poste, c'est-à-dire qu'ils protègent. Ils protègent des trucs importants. C'est-à-dire que ce qui trimballe, c'est des armes. Vous en savez pas plus, à moins d'ouvrir les caisses. Et donc, c'est quand même très grave pour eux d'abandonner leur poste. D'accord. Moi, je reste sur ma mission, peu importe ce qu'ils transportent. C'est Mais pas les mon caisses, problème. Elles sont fermées. Si on les ouvre, ça se verra, je suppose. Oh, attends, t'es Nasser, hein. Enfin, ouais, toi, tu peux ouvrir et fermer une caisse, personne ne s'en rendra jamais compte. Oui, bah alors. Ouais, je regarde au moins ce que c'est. En fait, c'est des bombes sales. Enfin, c'est des missiles, des bombes avec des symboles danger biologique dessus. Très certainement, en fait, que c'est des trucs qui ont été ingénieriés par les Américains à partir de souches contaminées de la Casa Negra, quoi. Pour répandre la corruption ou quelque chose comme ça. Oh, ou pas. C'est peut-être juste. Après, on ne sait pas, ça se trouve, effectivement, ça aurait cet effet-là. Peut-être que je pense que c'est surtout des saloperies, quoi, des malarias, des virus, des armes biologiques, quoi. Hein. C'est pas forcément. C'est peut-être quelque chose qui va frapper une ville ou un bataillon. C'est quand même des armes de. Ça reste des bombes de petite dimension, quoi. Les mecs, ils pourraient pas transformer un pays en mille veaux avec ce qu'ils ont, quoi. Donc ça reste de la guérilla, quelque chose comme ça. Ouais, donc ils font leur petit business comme ça, quoi. Ouais, ils vendent des armes, quoi. Ouais. D'accord. Super. Ok, je vois pas l'intérêt de me servir là-dedans. Donc je referme en essayant de pas laisser de traces et d'être discret. Ok, pas de problème. Pas de jet de dés, hein. C'est, on... y a aucun problème. Les mecs, ils capteront pas que tu. Ok. Si vous voulez, je vais faire une ellipse jusqu'à la prochaine oasis. Ça marche. Ok. Alors, grosso modo, vous voyagez une semaine. Et ce que vous voyez pendant la semaine, c'est assez désolant. Comment? Déjà, les deux militaires, ils vont à la remorque le moins souvent possible. Toujours en se tenant le pif et tout, et puis en vous balançant des insultes. Donc ils viennent, je sais pas, en fait grosso modo ils viennent 2 heures par deux fois par jour quoi, et en fait ils vérifient que les caisses n'ont pas bougé quoi. Okay. J'ai D'accord. une question. Ouais. Pendant ces jours et ces jours de trajet, est-ce qu'on a l'occasion de parler avec l'imam? Avec la truie, oui. Ouais, tout à fait. Donc justement j'allais y venir. L'imam en fait est de plus en plus vorace. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, en fait, vous savez qu'à la fin, quand vous arriverez à l'oasis, elle aura bouffé tout son stock. Donc, faudra qu'on se réapprovisionne ou à l'oasis, Donc, quoi. on n'a pas assez. Et... Il n'y a pas moyen de piquer un peu de drogue aux junkies? Si. Après, tu devras faire face à des crises de manque de leur part, ils risquent de devenir ingérables, mais. J'ai dit un peu, j'ai pas dit tout leur stock. Bah, ça dépend, c'est pour quoi faire, quoi. Bah, c'est pour droguer la truie, donc il en faut beaucoup. Bon, je considère qu'il faut tout le stock. Hein. Vous avez l'impression qu'elle a grossi de taille. Et vous remarquez aussi un détail qui fait. C'est qu'il manque 3 porcs grelés. Il manque des porcelets? Ouais. Mais Est-ce qu'elle les pourtant. mange? Et là, l'imam fait. Je suis désolé. J'ai pas pu m'en empêcher. J'avais tellement faim. Oh mon Dieu. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on utilise la drogue parce que sinon, Je pense. à la fin de la deuxième semaine, il aura bouffé tous les porcelets, quoi. Si effectivement les porcelets sont, comment dire, c'est sa personne, il est en train de se bouffer lui-même, quoi. Il y a des chances, ouais. Tout casser les. Mais c'est dégueu! Alors qu'il y a des bons junkies à bouffer là. Voilà, ou des Américains. Est-ce que tu le dis comme ça à haute voix? Pas haute voix. Non, non, non. Non mais genre suffisamment pour que la truie entende. Vaut mieux peut-être pas, je crois. Je crois qu'on Ouais, a mais notre attends, conversation, tu je pose sais, la un peu. question à Philippe. C'est Philippe qui a dit Oui, qu'il attends, pouvait les je bouffer. réfléchis. Je vais tirer au sort. Eh bien, oui. Et là, la truie fait, écoutez, ce sont des infidèles, j'ai vraiment faim, s'il y a que ça, je serais prêt à en manger un, ouais. Ok. Je suis vraiment désolé, c'est sans doute l'esprit du porc qui prend le dessus sur moi, je comprends pas que je puisse envisager une telle possibilité, et là, ça, j'ai tellement faim, quoi. Fruits et vin. Ouais, et ben on va pas avoir le choix. Et si on en tue un, on est obligé de tuer l'autre. Oui, en supposant que les paramilitaires ne se rendent compte de rien, ce qui me paraît peu probable quand même. Bon, on peut dire qu'ils ont été faire un tour dans le désert. On peut commencer par l'homme, parce que la femme était tellement shootée que de toute façon, elle va même pas s'apercevoir que son gars est parti, quoi. Et je pense que ça, vu que la conversation qu'ils ont eue tous les deux, ils étaient en train de s'engueuler, etc. Je pense que ça. L'homme, il a été conscient récemment. Ah, il a des petits accès de conscience, quoi, mais il est très faible, quoi. Ouais. Mais la femme est beaucoup plus, comment dire, droguée que lui, et dans un état de transe ou de Dis-le, non, ouais. délirium. Bah, elle pourrait très bien, effectivement, vous se débarrasser de son mari sans qu'elle se rende compte de rien, quoi. Ouais. Bon, ben, Vous je suffit dois. de le faire juste après qu'elle se soit piquée, et c'est bon, quoi. Ouais. La truie va manger les affaires, les vêtements, à la rigueur. Il y a peut-être des trucs qui vont pas passer. Ben, elle a mangé les porcelaines en entier. Oui, mais on aurait peut-être regardé, peut-être Hein. jeter C'est une un chaussure au tueur. loin ou un truc comme ça pour Ouais, que. c'est pas un problème pour toi, Nasser. Hein. De les enfuir dans le sable. Oui, non, mais pour donner un peu de crédibilité à l'hypothèse, il est parti. Ouais. Il est parti par là. Ok, donc je vais utiliser mes talents pour assassiner l'homme et puis sans que la femme s'en rende compte, je vais essayer de faire ça le plus discrètement possible et puis prendre le corps de l'homme si je peux à moi toute seule et puis l'emmener au à la truie. Ok. Bah écoutez, il y a pas de problème. Mahmoud, bon, comment? De toute façon, alors là, vous t'ouvre la cage de la truie pour donner le corps. Bah oui. Ok. Et là, la truie fait, oh merci, merci! Et là, elle se met à dévorer, mais alors vraiment rapidement. Ah, c'est mignon. Brutalement, violemment, quoi. En fait, t'as pas le temps, Jamina. T'as pas le temps de te retirer, quoi. Que tu te retrouves, en fait, tu te prends des fragments de dents, de Ah. gencives et de peau, comment, du pauvre américain. Tu te retrouves maculé des pieds à la tête, quoi. Mais vraiment, elle mange, mais façon dégueulasse, quoi. Et en y prenant du plaisir, et vous l'entendez couiner de satisfaction, et du coup les porcs grelés s'affairent sur ses tétines en proie à une espèce d'extase morbide. J'arrive quand même à me repousser pour au bout d'un moment. Ouais, bien sûr, D'accord. t'es crépi, quoi, mais... J'ai du sang sur tous mes vêtements, je suppose. Ouais, et là il va falloir faire très vite, parce que... d'un côté, Nasser, tu vois que comment tu vois qu'il y a l'américaine qui se réveille de son trip, hein, et de l'autre, Mahmoud vous signale que en fait, le convoi est en avance, hein, enfin, est en train d'avancer. Hein. On est tout en mouvement, et en fait, il y a les deux militaires qui reviennent qui reviennent vers vous en quad. D'accord. OK. Bon, ils sont à 300 mètres, quoi. Hein. Ils sont en train de remonter le convoi pour vous rattraper, quoi. Je m'occupe de la femme, je l'assomme. Ok, bam, pas de problème. Et on retourne au pays des rêves. Je recouvre la truie, je referme la cage. Circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Alors le problème c'est que tu faut imaginer, en fait, si tu veux, il y a Il y a des des morceaux fragments partout. de... Ah, il y a des morceaux partout, elle a repeint la remorque, quoi. Ouais, en fait, c'est pas camouflable. Là, il y a plusieurs solutions. C'est soit vous les laissez venir et puis vous improvisez quand ils sont là. Soit vous fauchez la remorque et vous quittez le convoi. Ou soit éventuellement vous demandez à la truie si elle a pas une solution. Ouais, faucher la remorque, ça implique de passer dans le véhicule devant, de liquider le conducteur et de partir. C'est conduire? Ouais. Bah, je considère que vous serez capable de conduire la remorque, c'est pas un problème. Ok. On peut demander à la truie, c'est là pas une solution. Alors Ouais, là, on ouais. va demander à la truie, ouais. En l'engueulant à moitié pour avoir foutu un bordel pareil, quoi. Donc là, la truie, elle a le grand couvert de tripoux et tout. Et donc elle fait oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'animal a pris possession de moi. Je n'étais plus moi-même. Ah, c'est horrible. Et vous la voyez pleurer, une espèce de larmes noires, enfin, de crasseuses. Comment je. Hélas, je vois bien une solution, mais je sais pas si elle va vous plaire. Voilà, dites. Eh bien, comment, quand les Américains arriveront, je peux les terrifier. Ils seront tellement terrifiés qu'ils n'oseront rien dire à personne. Mais vraiment, c'est-à-dire que ce sera une terreur surnaturelle. Je m'excuse de savoir faire ça, mais en fait, depuis que je commence à devenir une truie, je développe certains pouvoirs, quoi. Je sais que je suis capable de faire ça. Leur inspirer une terreur sainte qui fera qu'ils Moi, fermeront leur clapier, quoi. Moi, ça me déplairait pas. Ouais, non. Tout en doutant qu'il y aura un prix à payer après. Ouais. Donc, ouais, vous rangez Toujours. à sa proposition, quoi. Oui. Moi, oui. Je pense Parce que que c'est c'est donc. trop tôt pour se détacher de la caravane. S'en sortirait Ouais. pas. Bon, en fait, juste pour pas vous faire chier, en fait, le mec qui conduit la remorque, il conduit en permanence avec du ACDC à fond les ballons. Incroyable. Et, ouais, et puis en plus, il a un cache-poussière, enfin, il y a son chapeau qui lui cache les oreilles, donc vraiment, il a rien capté de ce qui s'est passé. De toute façon, il a tout fait pour isoler son habitacle de la remorque, pour s'adober tellement qu'il peut rien capter. Il a mis des bardages de bois, des matelas pour pas sentir l'odeur, donc il a rien calé. Les deux militaires arrivent au cul de la remorque en quad. Donc dès qu'ils voient déjà des morceaux et tout, et puis donc tout en roulant, ils sont au pied de la remorque. La truie est enfermée dans la cage avec la tenture, et elle dit, bah, dès que vous voulez, vous enlevez la tenture, quoi. Ben, ouais. Dès qu'ils sont proches, en fait, c'est ce qu'on va faire. On va tous les deux Ouais, parce que avec là, ils ma sont déjà en fer, train de hop. dire, putain de taré! Donc vous ouvrez la tenture, quoi. Oui. Et là, la truie, en fait, comment on les fixe, et en fait, il y a une illusion qui commence à arriver. C'est-à-dire, vous avez l'impression que la truie double de volume, elle devient noirâtre, elle dégage une espèce d'aura noire de putréfaction, et sa puanteur est amplifiée, mais fois 1000, quoi. Enfin, c'est que ça sent comme 1000 feux salisiers, quoi. C'est immonde. Elle vomit une espèce de liquide noir, puis elle se met à gueuler et tout. Elle fait oubliez ce que vous avez vu, fuyez dans le désert, allez mourir dans le désert, ne revenez jamais. Et donc les mecs, en fait, ils sont tout blancs. Considérez que vous aussi, en fait, vous êtes terrifiés, quoi. Vous vous enfuyez pas parce que vous en donnez pas l'ordre, mais c'est vraiment horrible, quoi. Hein. Et là, elle se met à parler dans une langue absolument immonde, qui est une espèce de fait de cuinement, de borborygme, mais malgré tout, ça a l'air articulé, et en même temps, ça a l'air aussi comme un rituel, tu vois. Il y a une espèce de comment, il y a une espèce de rythmique religieuse dans son langage, et presque, toi, Jamila, tu reconnais aussi des rythmiques. De prière, de prière coranique, mais complètement déformé quand même, clairement. Déjà, c'est pas en arabe, c'est dans une espèce de langue immonde, et en plus, le rythme en lui-même a l'air particulièrement dissonant. Donc, suite à ça, les mecs se barrent en quad, hein. Si vous faites rien, en fait, ils font demi-tour et ils partent complètement perpendiculaire dans le désert, quoi. Voilà. Moi, je fais rien. Je les regarde s'éloigner. Je pense plutôt à me remettre et à. Mais il va quand même falloir effacer un peu les traces quand même. Oui, on va nettoyer un peu. Comment vous y prenez? Enfin, c'est loin d'être du registre de l'impossible, mais juste besoin de savoir comment vous faites. Bah, ça dépend ce qu'il y a autour de nous, quoi. S'il y a des chiffons, si on peut pelleter du sable pour frotter, si on peut. Ouais, avec du sable, je pense. Bah, il y a au moyen de choper des tentures, peut-être aussi sur les cages. Est-ce que moi j'ai des vêtements qui sont bien dégueulasses aussi, donc est-ce que j'ai des rechanges, des choses comme ça? Est-ce que j'ai prévu ça? Je l'ai pas dit, mais bon. Ouais, je vais pas t'emmerder. Donc j'ai une djellaba de rechange et puis Éventuellement, tu peux avoir un nouveau look si tu veux. Non, je vais garder j'ai une djellaba de rechange, je la mets et puis je m'en sers. L'autre qui est tellement crade, je m'en sers pour nettoyer en fait Nettoyer. avec. Ah, tu te rends compte, c'est presque un costume sacré, hein, qui a été fait sur mesure par des personnes pieuses et tout. Et on s'en Bah sert pour oui, éponger un cadavre, quoi. mais... bah oui. Ça fait partie du boulot. Alors sinon, ce que vous avez pu constater quand même, c'est qu'il y a un truc pas net avec Mahmoud. Dans le sens où, clairement, quand la truie a fait l'aura de terreur. Alors déjà, il y a un truc étonnant, c'est qu'elle a dû manger un porcelet pour le faire. D'accord. Et en fait, vous avez l'impression que vous avez été vraiment pris d'une terreur sainte, hein. C'était clairement la pire chose que vous ayez jamais vue de votre vie, quoi. Mahmoud, il avait l'air d'avoir peur. Mais toi, enfin, vous deux, comme vous avez déjà vu la peur dans les yeux des gens, pour vouloir peut-être même déjà provoquer, et que vous savez quand quelqu'un fait semblant d'avoir peur. Et là, clairement, il faisait semblant, quoi. Ouais. Moi, c'est impeccable, ça cadrait très bien ce qui était ce que je projetais de faire juste après, parce que moi, Jamila, je me demande sincèrement s'il y a une rédemption possible pour une créature qui est aussi corrompue. Alors, tu dis ça. Alors, Mahmoud vous colle au basque. Hein. Donc, si tu dis D'accord. ça, il t'entend. Sauf si Ok. tu prends des précautions pour qu'il ne t'entende pas. J'attendrai de. Sachant que là, vous allez arriver à l'oasis. Donc, si tu as des choses en loose dé à dire à Jamila, le mieux c'est d'attendre l'oasis. Bah, c'est Ah, ce que c'est je vais ça. faire Ouais. alors. Ok, Ok. bah, si vous Parce voulez, que on c'est fait vraiment ellipse. entraînez-moi, quoi. Ouais. Ouais. Donc, vous arrivez dans l'oasis. C'est une oasis de berbères en fait, donc il y a quelques maisons très très rustiques, hein, très simples, qui sont faites en terre séchée, agglomérées jusqu'à presque avoir la consistance de la pierre. Quand la caravane traverse en fait la ville et quand votre remorque passe dans la grande allée, il y a des vieilles berbères. Au visage, avec des traits tatoués sur le visage. Quand elles voient passer la remorque et tout, elles sifflent entre leurs dents, puis elles font Shaitan! Shaitan! Dans ce qui signifie le diable, Le quoi. diable, ouais. Et donc, bon, dans l'oasis, il y a des campements qui sont. Les Américains installent des campements, des tentes et tout. Il y a du matériel de campement, vous pouvez faire votre propre tente, c'est pas un problème. Et grosso modo, tous les véhicules sont rangés en ordre désordonné dans une espèce de bah, comment dans le désert juste en bordure de l'oasis quoi. Mahmoud, il mange sur ses réserves et il reste près de la cage. Il ne quitte pas la cage. Ok, on va D'accord. peut-être aller se balader un petit peu, se dégourdir les gens. Ouais, Voilà, bah ok. c'est ce qu'on fait, ouais, tous les deux. Pas de soucis. Et donc, dès que j'en ai l'occasion, je relance ma Ah oui, question. excuse-moi, j'ai quand même oublié de préciser. Au bout d'un moment, la junkie bah, s'est réveillée, quoi. Oui, Je sais pas ce oui, que vous avez voulu leur raconter qu'il était parti oui. sur un Ouais, coup on de lui a tête, quoi. Et, raconté. Ouais, c'est ça. ouais. En fait, elle a plutôt été soulagée. Comme elle le détestait et tout, finalement. Elle s'est dit, bah, c'est bien qu'il parte comme ça. J'aurais pas à m'arranger pour qu'il parte autrement. Yeah. Et puis, elle va faire diverses emplettes. Dans l'oasis, certainement acheter de la drogue. Alors donc vous êtes parti un peu à part. Oui. Et donc je te demandais, Jamila, si dans ton engagement, tu penses que une créature qui était aussi atteinte par la corruption peut vraiment être sauvée. Je pense qu'elle peut l'être, oui. Je pense qu'on peut sauver l'imam. Par des dogons. Oui, je pense que leur magie est assez puissante pour enlever cette souillure. Bon, bah alors il s'agit de trouver à la nourrir, hein. Oui, ouais. Alors non, je vais pas vous emmerder. Concernant la bouffe, considérez que c'est réglé en fait. Avec ce que vous aviez acheté avec votre premier sac, Oui. ça permettait de tenir une semaine. Et là, en fait, et comme elle a bouffé en plus le mari, là, ça va lui faire de quoi tenir jusqu'au barrage. Donc là, c'est bon, on n'a pas besoin de Non, leur faire des choses en la bouffe, tête. c'est plus le La bouffe, problème. ça va aller, quoi. D'accord, ok. Nickel. Ça, c'est un poids déjà en moins, hein. Parce que c'était pas facile. Ok, bah. Est-ce que vous Nous, retournez à la remorque ou on a de la nourriture pour nous aussi, c'est bon pour ouais, ça. c'est pas Après, un on a de problème ça. l'eau. D'accord, ok. Bah, on retourne à la caravane. Enfin, moi, je retourne à la caravane pour. À la remorque, en fait, pour surveiller notre. Moi, Femme, je laisse quand notre même un femme peu nourrie. traîner mes oreilles en me promenant dans l'oasis, voir s'il n'y a pas des réactions par rapport à la disparition des deux gars, du junkie, ou des rumeurs concernant autre chose. Bah, ce que tu vois, c'est des vieilles qui te fixent et qui font Shaitan. Moi, elle me fixe moi en faisant ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu vas aller voir ou est-ce que tu laisses pisser, quoi? Non, je vais les voir. S'ils me font pas trop peur. Ouais. La vieille, quand tu t'approches, elle fait, elle, comment, elle plaque son doigt contre ses dents et tout. Elle fait, ah, t'approches pas, vous approchez pas à plus de 3 mètres de moi et tout. Je m'arrête. Ouais, elle fait un cercle en semoule autour d'elle pour que tu t'approches pas plus. Et elle dit, qu'est-ce que, quittez cette oasis au plus vite. C'est bien notre intention. Mais pourquoi me traitez-vous ainsi? Vous transportez une créature du Shaitan, une chose maléfique. Vous êtes donc un serviteur du Shaitan aussi. Si je suis un serviteur de Shaitan, je ne devrais pas pouvoir traverser votre cercle. Elle fait oui, c'est juste. Et tu la vois flipper un petit peu, quoi. Bah, j'essaye. C'est Ouais. autant, hein, c'est pour me mettre à l'épreuve, moi, hein, quand même. Il n'y a pas de problème, tu passes le cercle. Je pousse un immense soupir de soulagement. Si tu vois, la religion, j'y crois pas, mais ça me fait peur quand même. Hein. Donc. Vous Elle devez fait, vous bah, si vous tromper. n'êtes pas un serviteur du Shaitan, pourquoi vous suivez cette folie? Pourquoi vous accompagnez la remorque? C'est la folie pure. Pour détruire C'est l'influence pire du du shaitan. blasphème. Pour détruire l'influence du shaitan. N'y a qu'une façon de détruire l'influence du Shaitan, c'est de détruire le Shaitan. Je ne sais pas. Je suis les instructions d'un imam. Elle Je lui fait, fais c'est folie. confiance. Mon instinct de berbère me dit que c'est folie. Après, il y a peut-être Vous me faites possibilité peur. chez eux de trouver des soufis, qui sont des sages islamiques. Sais pas si ça vous intéresse d'avoir un deuxième avis. Moi oui, mais pas avec Jamila. Ok, bon bah tu vas en loose dé, tu vas avoir un soufi. Donc comment, c'est un vieil homme avec des lunettes, une barbe blanche très courte. Il a des habits vraiment très simples. Il vit un petit peu à l'écart dans une petite cabane sans aucun confort. Et donc bah il t'écoute. Je t'écoute mon. Je ne sais pas si je vais dire mon père. Non, je pense pas que ça se dise. Je ne sais pas du tout. Donc, Ouais. au sage, je suis face à un dilemme. Mon imam m'a demandé de. Donc, on voyait un être qui était touché par la corruption du shaitan pour le purifier, pour sa rédemption. Il est convaincu que c'est possible. Dis-moi quel est cet être. C'est un blasphème, c'est une truie. Mais Une ce n'est pas truie. une truie à l'origine. Une truie qui parle. Une truie qui parle. Alors en vérité, tu dois la tuer. Je ne sais pas ce que t'a raconté cet imam, mais tous les textes de la foi que je connais me disent ça. Je reste très perplexe et très dans l'attente de quelque chose pour trancher. Manifestement, ça ne viendra pas. Elle te dit, mes prières iront vers toi si tu trouves le courage de faire ça. Mais comment moi puis-je en être sûr? Je n'ai que la parole de deux saints hommes qui me disent le contraire l'un de l'autre. Excuse-moi, mais y a-t-il dans ce monde quelque chose qui a plus de valeur que la parole d'un saint homme? Plus non, mais autant oui. Mon imam me Alors. dit le contraire. Alors, en vérité, notre monde vit un drame. Si plusieurs hommes de Dieu pensent des choses différentes, je ne peux pas t'aider et tout. C'est à toi de vaincre tes démons. Je ne peux que t'apporter mon avis. Merci, mon sage. Je vais voir ce que je peux en faire. Donc bah voilà, est-ce que tu retrouves Jamila? Ouais, d'un pas lent et préoccupé. Ok, Jamila, comment tu réagis quand il arrive? Je demande. Certes, t'étais où? Moi, je me suis promené. J'écoutais un peu ce qui se racontait. Ah. Tu as entendu quelque chose de particulier? Que nous convoyons le Shaitan. Enfin, pas encore. Ce sont des vieilles femmes. Tiens, dis-moi, les écritures parlent-elles d'une truie qui parle? D'une truie qui parle. Alors, meneur de jeu? Alors la vérité, comment? T'as jamais entendu parler de trucs qui parlent? Dans tous les textes que j'ai pu lire, on fait Ouais. référence à aucune truie qui parle. Bon après c'est pareil, le problème c'est que, tu veux, les connaissances liées au Shaitan sont tellement blasphématoires que Que moi j'ai pas mis mon nez dedans, quoi. on laisse pas un Ashishin en prendre connaissance, sauf si vraiment on veut lui confier une mission d'éradication du Shaitan, quoi. Mais D'accord. parce qu'à partir du moment où il a accès à ses connaissances, ça devient dangereux, quoi. D'accord. Mais bon, le peu que t'as jamais entendu parler de trucs qui parlent, et t'as non plus jamais entendu parler de prêtres hérétiques qui seraient capables de métamorphoser des gens, en fait. D'accord. Bah, écoute, Nasser, dans tous les textes sacrés que j'ai pu lire, je n'ai pas lu de choses concernant de trucs qui parlent ou. Tout ce que tu as pu lire, c'est que le porc est impur Voilà, le porc est impur, mais et il c'est est tout. associé au Shaitan, en fait. Dans la relecture contemporaine de Milvaux, le porc, de toute façon, est associé au Shaitan, quoi. D'accord. Et Donc, ok. ce que tu sais quand même sur l'hérésie shaitanite, c'est qu'eux, ils vénèrent les cochons, quoi. C'est un animal sacré, en fait, pour les shaitanites. D'accord. On est tous les deux là, il n'y a personne d'autre. Comment il s'appelle déjà? Non, non, Mahmoud, il est resté à la Mahmoud, cage. Ouais. d'accord. Moi j'ai des soupçons par contre. Donc moi comme je t'ai dit, dans les textes sacrés, je n'ai lu aucune chose concernant des truies qui parlent. Sauf que la truie, effectivement, est reliée à Shétan. Parce que c'est un animal blasphématoire. Mais moi j'ai des doutes concernant Mahmoud. Sa réaction lorsque la truie a utilisé ses pouvoirs, son absence de peur en fait, ou ça, pas son absence de peur, mais sa peur en fait qui a été Factice. factice, voilà, me font penser que c'est juste une supposition, mais je pense que Mahmoud est un chétaniste. Et je pense qu'il fera peut-être tout pour qu'on n'arrive pas à notre mission. Il attend seulement peut-être le bon moment. Pourquoi ne l'as-tu-t-il pas alors? Je ne sais Ben, pas. en même temps, quelque part, Peut-être jusqu'à veut-il présent, vous l'aidez. que la corruption soit consommée. C'est vrai qu'on l'aide. On l'aide à nourrir la truie. On l'aide à aller à un endroit peut-être qui. Peut-être qu'au dernier moment, il va dévoiler son jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous fait penser que les Dogons vont nous aider? Enfin, auront plutôt tendance à nous aider à purifier cette truie transformée, si tout ça est Oui, vrai. et Vous puis. n'avez Oui, jamais entendu parler de sorcier Dogon. d'accord. Donc c'est juste la parole de l'imam qui nous a fait Tout à penser fait. que ces sorciers Dogons existeraient et qui pourraient sauver l'imam quoi. Ouais. De sa malédiction, d'accord. Et l'imam dont il nous a parlé, qui est l'imam transformé, c'est un imam dont on a entendu parler? Non. Non. Donc c'est même pas sûr que ce soit un imam. Même l'imam qui vous a mandaté, en fait, vous en avez jamais entendu parler avant. Bon, il y a pas mal d'imams à la Casa Negra, hein, bien sûr, mais toi, Jamila, t'en avais jamais entendu parler. Parce qu'une Il t'a juste écrit. un lieu de culte aussi mal tenu. Je commence à avoir de plus en plus de doutes en fait. Je sais pas Alors, pour toi, je vous Nasser, interromps, mais. un instant pour une question de chrono, puisque là, on arrive à l'heure à laquelle tu devais partir, Oui, Philippe. Mais en j'ai fait, encore un quart d'heure, si tu veux. tu nous concèdes un quart d'heure? Bon, bah dans ces cas-là, il y a peut-être moyen qu'on arrive à finir dans ce quart d'heure-là. D'accord, ça marche. Ok. Donc, du coup, bah, j'ai aussi besoin d'une décision de votre part. Alors, est-ce que vous décidez à faire quelque chose, ou est-ce que vous allez d'abord voir Mahmoud pour lui parler? On va essayer de dévoiler, on va essayer de confondre en fait Mahmoud avec l'histoire du fait qu'il a pas vraiment eu, qu'il a fait enfin qu'il a fait croire à tout le monde que à nous deux qu'il était terrifié alors qu'il l'était pas du tout. Déjà, on peut essayer de voir ce qu'il va nous dire par rapport à ça. Ouais, moi je pense qu'on va pas obtenir grand-chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que les shaitanistes sont censés ne pas savoir faire, un mot qu'ils sont censés ne pas savoir prononcer, un tabou qu'ils auraient par rapport à l'islam? Ou des Alors, tatouages, des choses comme ça. non, on ne savait pas. Non, on ne sait pas. Ok. Mais si les shaitanistes, il ne saura pas franchir le cercle de la vieille. Faut l'amener Oui, bah. jusque-là. Effectivement, effectivement. Vous pouvez toujours demander la complicité de la vieille. Oui. Je propose cette solution-là. Je t'explique ce qui s'est passé et ce qui m'a fait douter avec la vieille. Et puis, D'accord. comme je vois que tu commences à douter aussi, jusqu'à présent, j'avais un peu peur de ta rigidité, de ta foi. Quand je vois que tu commences à douter un petit peu, je t'explique ce qui s'est passé dans l'oasis. D'accord. Effectivement, ça pourrait être une idée. Le cercle de Semoule. On pourrait peut-être le faire autour de la caravane et voir ce qui se passe quand on démarre. Il risque d'être broyé par les chenilles, tout simplement. Nous, si on fait un sac de semoule, c'est censé fonctionner. Ça va rien faire. Je ne sais pas, c'est toi là qui t'y connais en religion. Pouvez essayer, hein, comment là la nuit va tomber, à la faveur de la nuit, vous faites un cercle de semoule De Mahmoud. Autour de Mahmoud, je sais pas comment, soit autour de lui, soit autour de la remorque, vous me Ouais, autour de direz. la remorque, ouais. Ouais, on va le faire, ouais. Ok, ça roule. Et puis vous verrez bien. Bah oui, Bah, on teste c'est ça. clair, on teste. donc on fait le matin, hein, où ça redémarre. Donc il y a toujours la junkie. Bon les, en fait clairement les autres sont pas venus vous voir. Les militaires, on vous emmerde pas quoi. Et donc voilà, c'est le petit matin, clac clac clac. Vous êtes dans la remorque à côté de Mahmoud, je suppose. Oui, on Ok. guette quand même ce qui va se passer ou pas. La remorque part. À toute blinde, parce que c'est des Américains, ils savent pas démarrer lentement. Et en fait, c'est comme si la semoule, ça faisait un mur invisible, quoi. Et donc, imagine un homme qui se prend un mur en pleine gueule. Et bien, en fait, vous voyez le visage de Marmour qui se fait éclater, quoi. Vous entendez le bruit de ses os broyés. Bon, il n'est pas mort, hein. Techniquement, en fait, il perd un point de vie. D'accord. Mais en fait, ce que vous remarquez aussi, c'est que vous entendez aussi des hurlements de douleur qui viennent de la cage. Oui, forcément. Ils viennent de la truie ou des porcelets? Ils viennent de la truie. Donc ce sont deux créatures de Shaitan. Donc là, la remorque part, hein, donc à toute blinde. Mahmoud sort son couteau. Je sors le mien. Clac. Nasser aussi. Moi, je vais sortir mon scorpion à l'intention de cette truie. Ok, ton objectif c'est de tuer la truie, quoi. Oui. Ok, la truie. Comment? Très bien. Alors pour le scorpion, il n'y a pas de jet de dés à faire. Alors, il n'y a pas d'initiative hein, dans ce jeu, donc tout le monde agit en même temps. Jamila, donc t'attaques Mahmoud. Donc vas-y, jette le dé. 4. 4, bah c'est loupé. C'est bien. Sauf si tu utilises ton pouvoir à usage unique qui te permet de relancer. Je crois que c'est le moment, ouais. Ok, bah c'est reparti. Super. Donc là, tu le frappes à quel endroit? À un endroit où ça va saigner beaucoup. Une artère, chose comme ça. Ok, ouais. Bah tu le frappes, tu sais, je crois qu'au niveau de la cuisse, il y a un truc comme ça, Il y a là. l'artère fémorale. Ouais. Donc il pisse le sang, il met un genou à terre. Bon, déjà, il était vraiment dans un très mauvais état. Mais en même temps, il a le temps de se frapper, parce que les attaques sont simultanées à sombre. Alors, moi j'ai fait deux, donc je touche aussi. Donc, je te blesse en fait. Je t'enfonce mon couteau dans le ventre. D'accord. Le scorpion, part attaquer la truie. Et en fait, la truie est quand même vraiment costaud. Donc, le scorpion ne la tue pas. Puis, il lui fait perdre un point de vie. Ok. Nouveau round. Qu'est-ce que vous faites? Moi je il a un pied il a un genou à terre, tu m'as dit Ouais. Mahmoud? Il est toujours en état de combattre, hein. Il va se redresser. De toute façon, il D'accord. jette ses dernières forces dans le combat, là. Et moi je suis blessé. Ouais. Bon ben je tente une dernière on va voir hein, un dernier coup de couteau, mais cette fois-ci j'essaye de viser au niveau du cœur. Ok, Nasser. J'attaque Marmouto aussi si j'ai le temps de sortir mon couteau Ok, ça avec roule. Donc Mahmoud t'attaque, hein, Jamila, je vais faire ça en premier. encore. Écoute, il te fait une estafilade à l'épaule. Enfin, grosso modo, j'ai foiré mon jet de dé, donc il t'est blessé, mais de façon très superficielle, donc tu perds pas de points de vie. D'accord. Donc vous deux, vous pouvez frapper Mahmoud. Oh, 6. 5. Donc là, c'est pareil. Hein. En fait, vous arrivez à le toucher, quoi, mais c'est juste superficiel et tout. Ça lui enlève pas ses dernières forces vitales. Il y en a qui le frappent. En fait, il a des blessures défensives, quoi. Il s'est frappé au bras. Et là, il se passe un truc pas net. C'est que la truie vous attaque, en fait. Il faut pas oublier, elle a des pouvoirs en plus. Hein. Moi, ouais. On va se retrouver dans le désert, je crois. Tac. Ça, c'est la solution optimiste, ça. Elle attaque, en fait, elle défonce sa cage et elle attaque Mahmoud. Alors, Ah bon? Mahmoud, je t'ai loupé, c'est la fête. Non, elle attaque Mahmoud, elle attaque Nasser, autant pour moi. Ah Ah non, oui, Mahmoud, il fait bien. Mahmoud, il fait bien, ouais. Non. Je sais plus si j'ai attaqué avec Mahmoud, je crois pas. Si, il a fait une estafilade sur l'épaule de Jamila. Non, Oui. c'était la fois d'avant, ça. Non, la fois d'avant, c'était dans l'estomac. Ah oui, autant pour moi. Ok, ouais. Ouais. Bon, bah, on a fini le round. On a fini le round. Ben, la truie m'attaque moi et. Ouais. Bah, c'est nouveau round. Elle me manque, D'accord. ok, ça va. Ouais. Elle t'a manqué, ouais. Ouais, t'as bousculé et tout, mais elle a pas réussi à te mordre, quoi. Ben, moi je continue à frapper, hein, Mahmoud. Hein. Ok, toi Nasser? Ben là, un petit plan, ça aurait été vraiment bien, mais Qu'est-ce que tu veux savoir? est-ce qu'il y a des gens qui gênent les autres, en fait? Non. Non, ok, on est vraiment à quatre coins d'un carré, on va dire. Ouais, ce bordel, hein, vous pétez des caisses, tout ça, vous marchez les uns sur les autres, mais tout le monde peut toucher tout le monde, quoi. Bon, avec la truie qui m'attaque, Enfin, la seule chose qu'on peut faire en termes de gêner, c'est dire, en fait, gêner, c'est une action qui permet de s'interposer pour qu'un adversaire n'attaque pas ton ami, mais toi. Oui, c'est pas ça du tout que j'ai en tête, c'est le contraire. Ouais. Mais c'est pas grave. Non, on a dit qu'on peut pas faire ça. Est-ce que tenter de fuir et gagner du temps est quelque chose qui a du sens ici, dans le système ici? Eh ben Si. écoute, fuir, il faudra que tu fasses un jet, et si tu foires, t'es blessé en te pétant la gueule de la remorque. Ok, dans ce style-là. Okay, mais je voulais dire fuir au sein de la remorque, quoi. Essayer de. Oh Bon, non, c'est pas non, grave. c'est pas C'est au pas sein de la possible. remorque, c'est pas possible, quoi. Bah. Je vais attaquer la truie, je vois que ça a à faire. Hein. Ok, ça roule. Si, bon, voilà, si je sais ramasser une arme par terre pour lui claquer sur la gueule, peut-être, mais en dernière extrémité. Quoi. Bah, t'as ton arme à toi. Hein. Ouais, je oui. pense que t'as un couteau, hein, c'est pas un problème. Quoi. Ok. Jamila attaque Mahmoud, Nasser attaque la truie, Mahmoud attaque Jamila, et la truie elle t'attaque toi Nasser. Donc on va commencer par Mahmoud de Jamila. Mahmoud te frappe, il s'effoire et okay. Jamila. Un. C'est bon, tu l'achèves. Okay. Donc je suppose en plein cœur, hein, c'est ça que tu voulais. Hein. Oui, c'est ce que je voulais, ouais. Ok, donc il pousse un dernier soupir en fait dans une espèce de langue putride là, que vous aviez entendu proférer par la truie, quoi. Et c'est très certainement en vous maudissant. Nasser, tu frappais la truie, il me semble. Hein. Oui. Vas-y. Un aussi. Bon, ah, t'arrives à. Donc tu plantes ton couteau dans ces chairs dégueulasses et tout. C'est immonde en fait, le couteau il reste planté, tu peux pas le retirer, tu es obligé de prendre une autre arme dans la foulée, quoi. Ça va. Et là, la truie, elle fait, je voulais pas en arriver là, mais j'ai pas le choix. Et elle se met à vomir, en fait, des spores de corruption. Et vous comprenez qu'en fait, ça, elle le gardait pour quand elle aurait traversé le mur. C'était ça, son objectif, en fait. C'était répandre la corruption de l'autre côté du mur. D'accord, ok. Et donc là, elle se met à vomir la corruption. Vous perdez tous un point de vie. Ok. Ok. Donc, je pense que toi, Nasser, tu passes à blesser. Oui. Et moi, je suis à mutiler. Jamila, t'es à mutiler. En fait, elle vomit une espèce de liquide noir absolument infâme. Et en fait, du liquide, le liquide est rempli de spores. Il y en a qui commencent à partir dans les airs, ces espèces de spores noirs qui se développent au fur et à mesure. Et quand elle, là où elle vous touche, elle vous brûle, en fait. Et votre peau commence à se couvrir d'une espèce de brûlure qui ressemble en même temps à de la moisissure. Espèce de brûlure noire absolument infâme, quoi. Jamila, t'as la moitié du visage couvert de cette chose, quoi. Tu seras borgne et défiguré à vie, quoi, de toute façon. Et si vous restez dans la remorque, vous avez peut-être une chance de tuer la truie, sachant que il lui reste un point de vie. Mais clairement, vous perdrez. Elle peut vous blesser en vous mordant, et vous êtes sûr à la fin du round de perdre à nouveau un point de vie. Donc toi, Jamila, si tu restes un round de plus, tu meurs. Ah bah moi de toute façon mon but c'est de la détruire, hein. Je veux pas que la corruption aille plus loin, donc okay. Donc je me sacrifie et j'essaye ouais. de la... Tu restes un round de plus, Nasser, est-ce que tu essaies de sauter de la remorque, ce qui est dangereux, hein. Tu peux perdre un point de vie en oui, sautant. Oui. Mais je crois que là je suis à la bruit de la avec la truie, je me vois pas faire demi-tour et me risquer de prendre la truie dans le dos de toute façon. Tu prendrais surtout le risque, en fait, en fuyant de la remorque, tu prendrais surtout le risque de te péter des côtes, ouais. Et tout, et de perdre un point de vie, quoi. Ouais, mais je pense même pas jusque-là, en termes de personnage, okay. Pas en termes de... Ça roule. Bon, bah très bien, vous êtes tous les deux sur la truie. La truie, elle va rester sur Nasser, faut que je sois cohérent. Donc la truie attaque Nasser, tu seras blé, tu passeras à mutiler, hein. Ok. En fait, elle te dévore la jambe, carrément. Donc Jamila et Nasser, vous attaquez. C'est le tout pour le tout, là. Il lui reste un point de vie. Raté. 5. 5 aussi. 5 aussi. Ah, c'est moche, quoi. la corruption... Jamila, il me semble... remarque... Ouais, je suis morte, hein, normalement. Ouais. Que je passe et toi, Nasser, je sais plus. Bah, tu m'as pris 2 points de vie d'un coup ici, donc il m'en reste 1. Et donc là, du coup, la corruption, à la fin du tour, te tue aussi? Tout à fait. Ah ouais. Et donc, ouais, effectivement, votre visage se met à fondre et tout. Et avant que vous rendiez votre dernier souffle, ce que vous voyez, c'est un nuage de spores immense qui commence à se répandre autour de la remorque sur des centaines de mètres à toute vitesse. Et une espèce de nuage de corruption qui, ça se trouve, peut atteindre la taille d'un pays, enfin on ne sait pas trop, quoi. Et juste avant de mourir dans une douleur atroce, vous avez quand même cette minuscule satisfaction de savoir que en fait ça va apporter la corruption sur Milvaux, mais bon, de toute façon il y en avait déjà, quoi, hein. Mais au moins elle sera pas apportée de l'autre côté du mur, comme c'était la volonté de cette truie qui n'a jamais jamais été de sa vie un imam. Toujours écouter les petites vieilles. C'est clair. Et donc c'est la fin de cette partie. Je vous remercie, je vous remercie beaucoup. Bah, Je vais merci à débriefer avec toi. vous, mais je vais le faire en privé. Je vais lancer un hangout privé. Philippe, t'es pas obligé de nous rejoindre si tu dois partir. Oui, Je je vous dois remercie partir. beaucoup. Merci beaucoup, c'était super chouette, je me suis bien amusé. Merci Donc, Thomas, ouais, très à une sympa. prochaine. À une prochaine.